nuit de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Durant l'été, France Culture s'installe, en partie, en Avignon et demande à des comédiens de choisir des textes. Grande liberté leur est laissée. Ensuite, en public, ces comédiens lisent les textes, enfin des extraits de textes. Tout simple. En 1987, Jean Carmet s'était pris au jeu. Alors, quel texte? Bon, on va vous laisser la surprise. Sachez tout de même qu'il y aura une leçon pour bien manger à table, car le savoir-vivre, c'est très important. Et la conversation aussi, en société. Ainsi, une plaisanterie doit rester fine. Et puis, il est question aussi de l'hygiène corporelle, essentielle. Il faut s'en souvenir. Le souvenir. Vous vous souviendrez de cette émission, Texte nu, dont la diffusion remonte au 17 août 1987. Et Jean Carmet, via Georges Perec, commencera lui-même par se souvenir. Texte nu. Avignon 87. Cloître du Palais Vieux. On va retourner un petit peu sur Georges Perec, parce qu'il y a des choses, il y a vraiment des plaisirs qu'on partage en lisant toutes ces phrases qui sont véritablement des constats. Je me souviens des deux cabarets de la Contrescarpe, c'est ça, hein, c'est vrai que ça. Des deux cabarets de la Contrescarpe, le Cheval d'Or et le Cheval Vert. Je me souviens de Chérie, je t'aime, Chérie, je t'adore, également connu sous le nom de Mustapha, interprété par Bob Azam et son orchestre. Je me souviens de la barbe à papa dans les fêtes foraines. Je me souviens du rouge à lèvres baisé, le rouge qui permet le baiser. Je me souviens du gang des tractions avant. Je me souviens que Sidney Bechet a écrit un opéra ou bien était cymbalé intitulé « La nuit est une sorcière ». Je me souviens du jeu « Enrichissez votre vocabulaire » dans le Rider Digest. Je me souviens des bijoux Burma, n'y avait-il pas aussi les bijoux Murat? Je me souviens, lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, le petit prince a dit « Puisque c'est ainsi, nous reviendrons mardi ». Je me souviens de quelle différence y a-t-il entre la tour Eiffel, ta chemise et ma famille. La tour Eiffel est colossale et ta chemise est sale au col. Et ta famille, elle va très bien, merci. Je me souviens de Yvan la bibine aux Ouzof, de Yamamoto qui a capoté, de Harry Covey. Je me souviens que Jean-Paul Sartre écrivit pour France Soir une série d'articles sur Cuba intitulée « Ouragan sur le sucre ». Je me souviens de Bourville, je me souviens d'un sketch de Bourville dans lequel il répétait plusieurs fois en conclusion de chaque paragraphe de sa pseudo-conférence « L'alcool, non, l'eau ferrugineuse, oui ». Je me souviens de « Pas si bête » et du « Rosier de Madame Husson ». Je me souviens d'un croiseur nommé le Georges Legge. Je me souviens de la mascotte du régiment avec Shirley Temple. Je me souviens de Roger Nicolas qui disait tout le temps « Écoute, écoute ». Je me souviens des litinées du docteur Gustin. Je me souviens des mois de mai à Étampes quand on commençait à aller à la piscine. Je me souviens de Klosterman et du commandant Mouchotte qui depuis est devenu pour moi le nom d'un chat que des amis avaient trouvé rue du commandant Mouchotte derrière Montparnasse. Je me souviens que j'ai plusieurs fois essayé de me servir d'une règle à calcul et que plusieurs fois aussi j'ai commencé des manuels de maths modernes en me disant que si j'allais lentement, si je lisais toutes les leçons dans l'ordre en faisant les exercices et tout, il n'y avait aucune raison pour que je cale. Je me souviens de la cigale à Pigalle où Art Livart et son orchestre jouèrent pendant plus de 30 ans. Je me souviens de la bande à Bader. Je me souviens de la Nouvelle Vague. Je me souviens que c'est dans un court-métrage de la Nouvelle Vague intitulé « Histoire d'eau » que Jean-Claude Brialy prononce cette phrase grandiose « Plus je pédale lentement, moins je vais vite ». Je me souviens aussi que l'Express s'étant sous-titré l'hebdomadaire de la Nouvelle Vague, le Canard enchaîné avait fait remarquer qu'on aurait davantage attendu d'un organe de presse qu'il se vante de donner des nouvelles précises. Je me souviens de Joseph Laniel. Je me souviens de Suivez le Bœuf. Je me souviens des programmes de radio présentés par Jean-Pierre Morfay. Je me souviens de Jean-Noël Dijaboune et de son émission 40 millions de Français et Reine d'un jour. Je me souviens de Moustache. Je me souviens du Golfe Drouot. J'y suis jamais allé. Je me souviens de la pile Vondère ne s'use que quand on s'en sert. Je me souviens d'un livre qui s'appelait « Jeudi éléphant » et d'un autre qui racontait la vie d'un éleveur de castors avec aussi un animal, une espèce de cerf, que j'appelais toujours original au lieu de orignal, et de mon ami Flica et de Mazot de la Roche. Je me souviens de « Sur le banc » avec Raymond Souplex. Je me souviens de « Marie Bénard » La bonne dame de Loudun. Et puis je vais vous lire un morceau qui est totalement inédit, je crois. C'est extrait d'un livre du colonel N, qui ne donne pas son nom, c'est les conseils. C'est les conseils d'un ancien à un jeune gendarme. C'est un petit recueil élémentaire de politesse, de savoir-vivre et de correspondance à l'usage des militaires de la gendarmerie. Mais ça peut servir à tout le monde. Alors, nous allons prendre le chapitre sur l'hygiène corporelle, page 15. Notre organisme est recouvert d'un tissu protecteur qui est aussi un auxiliaire du rein et des poumons. La peau élimine par la sueur de nombreux produits toxiques et elle opère le septième de la respiration totale. Si l'on supprimait la respiration cutanée, celle qui s'opère par les pores, il se produirait des phénomènes d'asphyxie qui pourraient devenir mortels. On conçoit donc aisément qu'en raison des importantes fonctions qu'elle remplit, la peau doit être l'objet de soins sérieux. Ces soins comprennent des ablutions fréquentes de la figure et des mains, des lavages du corps en entier au moyen de bains chauds ou froids et de douches. Chaque matin au réveil, il faut se laver le visage, les oreilles, le cou à l'eau froide, quelle que soit la température. L'eau fraîche est un excellent préservatif contre l'action du froid. Inutile d'avoir recours aux essences et aux poudres, autant de produits pharmaceutiques qui ne valent pas le bon savon ordinaire. La toilette du visage est suivie de celle de la bouche, des mains et de la chevelure. On doit se laver les dents, se nettoyer les ongles, brosser et se peigner les cheveux. Il ne faut pas perdre de vue que la malpropreté est souvent la cause de maladies de la peau, de maladies douloureuses qui défigurent parfois ou se compliquent d'infections pouvant devenir très graves. Un homme doit aussi se raser fréquemment, en particulier chaque fois qu'il est de service. Rien n'est plus négligé qu'une barbe d'attendre plusieurs jours. La plupart des peuples de l'Antiquité prenaient leur bain quotidien. Cet usage n'est guère conservé que par les Orientaux et les Anglo-Saxons. En France, on se baigne beaucoup moins. Il est cependant reconnu qu'on ne se baigne jamais trop. Utilisez donc le plus souvent, pour toi et pour ta famille et pour le plus grand profit de leur santé, les baignoires mises à la disposition du personnel dans la plupart des casernes. Les bonnes habitudes étant plus faciles à prendre quand on est jeune, les parents doivent se montrer très exigeants au point de vue de la propreté corporelle des enfants. Personne n'est excusable d'avoir du linge ou des vêtements déchirés et malpropres. J'aurais fini ces brèves recommandations sur l'hygiène en te rappelant ce que tu sais déjà, que la propreté la plus élémentaire commande de cracher le moins possible et en se servant avec discrétion de son mouchoir. Les crachats répandus sur le sol, sur les planchers, se dessèchent, se mêlent à la poussière qui est le véhicule de tous les microbes. Est-il nécessaire d'ajouter qu'il est contraire à la propreté de se ronger les ongles, de se gratter la tête, de mettre les doigts dans son nez et dans ses oreilles? L'heure du repas doit être l'heure du repos et de la bonne humeur. C'est le moment d'oublier ses ennuis, de se réconcilier avec l'existence lorsqu'on a eu quelques raisons de s'en plaindre. Une franche gaieté favorise d'ailleurs l'appétit, et si l'on trouve beaucoup de grincheux parmi les personnes qui souffrent de l'estomac, on n'en rencontre guère chez ceux qui ont de bonnes digestions. La gaieté recommandée à table ne doit cependant dégénérer ni en plaisanterie et malice déplacée, ni en bavardage inconsidéré. En famille, il appartient aux parents de rappeler à l'ordre ceux de leurs enfants qui dépassent la mesure. La tenue à table comporte de nombreuses recommandations qui constituent une des parties les plus importantes du savoir-vivre. L'énumération t'en paraîtra peut-être longue, mais permets-moi d'insister sur l'intérêt qui s'attache à prendre l'habitude de les observer. On se met à table correctement vêtu, avec les mains propres. Il est de mauvais ton de prendre ses repas en bras de chemise, même en été. C'est un manque de tenue qui choque et qui est du plus mauvais exemple pour les enfants. On prend place devant son couvert, ni trop près ni trop loin de la table, sans y appuyer les coudes, sans se renverser sur le dossier de son siège, sans gêner ses voisins. On déplie sa serviette, on la met sur ses genoux, non à la boutonnière, et encore moins autour du cou. Au restaurant, on peut s'en servir pour essuyer son couvert si on en suspecte la propreté. Mais chez des amis, ce serait de la dernière inconvenance. Pour manger son potage, on ne doit se servir que de sa cuillère. S'il est trop chaud, on ne doit pas souffler pour le refroidir. On le prend par petites cuillerées sur le bord de l'assiette. On l'avale sans bruit, sans le humer. On ne verse pas les dernières gouttes dans sa cuillère. On laisse celle-ci dans l'assiette quand on a terminé. On ne mord pas dans son morceau de pain, on ne le coupe pas avec le couteau, on le rompt avec les doigts. La viande se coupe au fur et à mesure que l'on mange. On ne doit pas la couper entièrement en morceaux avant de commencer. On ne porte pas les os à sa bouche avec les doigts. On enlève la chair qui se trouve dessus avec la fourchette et le couteau. Ce qui ne se mange pas est laissé sur le bord de l'assiette et n'est jamais jeté sous la table. Le poisson se mange avec la fourchette seulement sans se servir du couteau. Il est de règle de changer de fourchette après le poisson car elle donnera un mauvais goût au plat suivant. On ne doit pas manger avec avidité. On se règle sur ses voisins de façon à ne pas avoir son assiette vide quand les autres convives ont à peine commencé. Le sel se prend avec la cuillère à sel ou la pointe de son couteau, jamais avec les doigts. Le fromage se coupe par morceaux qu'on place sur chaque bouchée de pain. On ne les porte pas à la bouche avec le couteau. Il est grossier de mordre dans des fruits entiers. Il faut se servir de son couteau pour les partager et les peler avant de les manger. Pour peler une pomme ou une poire, on la partage d'abord en quatre quartiers que l'on pèle l'un après l'autre. Les noyaux ne se crachent pas dans l'assiette. On les prend dans la main que l'on porte à demi fermée à sa bouche. Il est très incorrect de parler et de boire la bouche pleine. On s'essuie la bouche avant de boire et après avoir bu. En résumé, le savoir-vivre exige que l'on mange avec la plus grande propreté. Alors maintenant, je vais vous lire un chapitre sur la conversation. C'est dans le langage, beaucoup plus encore que dans l'attitude, que se manifestent les sentiments de la dignité personnelle. Un homme qui se respecte n'emploie jamais d'expressions triviales, de mots d'argot, ni de termes grossiers et surtout obscènes. Son langage est toujours convenable et décent. En entrant dans la fonction publique, il faut laisser à la porte tout le vocabulaire spécial usité dans les milieux vulgaires. Ça ne veut pas dire qu'on doit rester constamment dans une attitude réservée. Dans la vie, il faut savoir faire à la gaieté la place qui lui revient. Et l'on peut être très digne sans être ennemi de la plaisanterie. Il importe seulement de veiller à ne pas tomber dans l'exagération. Une plaisanterie doit rester fine et inoffensive. Dès qu'elle dégénère en grossièreté, elle est inconvenante. Dans la conversation, il faut avant tout rester naturel. Ne point chercher à faire étalage de ses connaissances ni de ses qualités, on aura vite fait de les découvrir. L'homme de bon sens est celui qui sait écouter. Il est très incorrect d'interrompre celui qui parle. Si le souci de la vérité oblige à faire une rectification, il est toujours facile de la présenter poliment. Il ne faut pas davantage, sous prétexte de franchise, prendre plaisir à dire des vérités désagréables. Lorsqu'on a mal entendu ou mal compris, on ne pose pas des questions comme celle-ci. Qu'est-ce que vous dites, quoi, hein ? On dit pardon, ce qui signifie, vous plairait-il de répéter, excusez-moi, j'ai pas très bien compris. Il faut éviter les cuirs, faire attention aux liaisons, surtout avec des mots terminés par une consonne. On n'a pas tort, on n'a pas tort envers une dame, mais tort envers elle. En société, il est inconvenant de parler à quelqu'un à voix basse, d'écouter des personnes qui causent à l'écart, de rire en particulier, de regarder sa montre, de manifester de l'ennui lorsqu'une personne parle. Enfin, il existe un certain nombre d'expressions consacrées par l'usage pour parler des siens et des personnes. Un mari ne doit jamais dire en parlant de sa femme « mon épouse », mais seulement « ma femme ». La femme dit « mon mari » et non « mon époux » ou « X tout court ». Lorsqu'on parle à quelqu'un de sa femme, appelons cet interlocuteur « monsieur Martin », on dit « madame Martin » ou « votre femme » et non « votre épouse ». De même, on ne dira pas « votre demoiselle » mais « mademoiselle Martin » ou « mademoiselle votre fille ». Une dame ne doit pas dire « quand j'étais demoiselle » mais « quand j'étais jeune fille ». En parlant de leurs enfants, les parents ne disent pas « mademoiselle, mon gamin, mes gosses, mais ma fille, mon fils, mes enfants ». On ne dit pas « le chef vient de sortir avec sa dame et sa demoiselle », on doit dire « le chef vient de sortir avec sa femme et sa fille ». Il convient d'avoir au téléphone, comme dans une conversation ordinaire, un langage correct et d'éviter surtout de prendre une grosse voix et encore un ton bourru. On dira ici la gendarmerie de « à qui ai-je l'honneur de parler ?» Bien, monsieur, je vous écoute. Oui, monsieur, et non pas, qu'est-ce qu'il y a ? C'est ce que vous dites, non ? Toute personne qui téléphone à un service public doit pouvoir penser « le fonctionnaire qui a reçu ma communication est un homme aimable et poli ». Alors, je vais vous lire quelques pages sur la correspondance et puis après, on passera à autre chose. Les lettres correctes, sérieuses, s'écrivent sur du papier blanc à double feuillet de format ordinaire. Les personnes en deuil peuvent faire usage d'un papier à bordure noire. Le papier de fantaisie n'est employé que dans la correspondance intime. Les feuilles de lettres en tête réglementaire sont exclusivement réservées à la correspondance officielle. On n'écrit pas sur une carte postale à une personne à qui on doit le respect. Le lieu et la date du jour où l'on l'écrit se portent en haut de la feuille. L'en-tête, monsieur, cher monsieur, s'écrit sur une ligne isolée. Le texte de la lettre commence à une certaine distance en dessous. L'en-tête se place d'autant plus bas qu'on veut marquer plus de respect au destinataire. Autrefois, on laissait une marge. Aujourd'hui, beaucoup de personnes la suppriment. Pour rester dans un juste milieu, on peut en laisser une réduite à un ou deux travers du doigt. Une lettre écrite sans alinéa a vilain aspect et il est difficile à lire. On doit aller à la ligne chaque fois qu'on change de sujet. On ne met pas de timbre pour une réponse dans des lettres adressées à des personnes avec lesquelles on est en relation. Ça ne se fait que lorsqu'on demande un service ou des renseignements à des correspondants occasionnels. Mistral, le grand poète provençal, auteur de Mireille, éprouva une telle déception en ne recevant pas de réponse à un envoi de ses premiers sonnets que pour éviter la même peine à ses correspondants, il prit la résolution qu'il tint toute sa vie de répondre le jour même à toute lettre qu'il recevait. Je t'indique ici que les convenances exigent l'envoi d'une lettre de remerciement aux personnes qui nous ont obligés à un titre quelconque. Du style. La lettre est une conversation écrite. On doit s'exprimer comme on le fait de vive voix, c'est-à-dire être simple. Simple et naturel. La façon de commencer, de terminer une lettre est chose très importante. Les formules employées sont nombreuses. Elles varient suivant les sentiments d'affection et d'amitié. À un inconnu, un étranger, un fournisseur, on écrira « monsieur ». Un égal, suivant le degré d'intimité, mon cher camarade, monsieur, cher monsieur. Un ami, mon cher X, mon cher Robert. L'expression « mon cher collègue » est laissée aux fonctionnaires civils. Sur la plume d'un militaire, les mots « mon cher camarade » expriment des sentiments de cordialité et d'estime que doivent avoir les uns pour les autres tous ceux qui portent l'uniforme. Une femme s'adressant à une autre femme suivra la même gradation à l'exclusion, bien entendu, de « mon cher camarade » et « mon cher X ». Un homme à une femme, madame, chère madame et amie, même gradation d'une femme à un homme. À une autorité, on mentionne le titre ou la fonction, monsieur le ministre, monsieur le sénateur, monsieur le procureur, monsieur le maire. Les formules finales, à un inconnu, un étranger, un fournisseur, on dira « recevez monsieur mes salutations, je vous prie monsieur de recevoir mes sincères salutations ». À un camarade, je vous prie mon cher camarade de recevoir l'assurance de mes meilleurs sentiments. À une personne de rang égal, je vous prie, monsieur, de recevoir ou recevez, monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués. Recevez, monsieur, l'assurance de mes sentiments très distingués. Recevez, monsieur, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Recevez, monsieur, l'assurance de ma parfaite considération à un ami. Recevez, mon cher ami, une bien cordiale poignée de main. Recevez, mon cher X, une nouvelle assurance de ma sincère amitié. Ou plus brièvement, bien à vous. Bien cordialement à vous, bien affectueusement à vous. On proteste toujours de son respect à un supérieur et de sa gratitude à une personne dont on est l'obligé. On les prie d'agréer et non plus de recevoir. On exprime ses sentiments, on n'en donne pas l'assurance. On dira, je vous prie, mon colonel, de vouloir bien agréer l'expression de mes sentiments les plus respectueux et les plus dévoués. Veuillez agréer, mon capitaine, l'expression de mon respectueux dévouement ou de mes sentiments respectueusement dévoués. Veuillez agréer, monsieur le directeur, l'expression de mes sentiments très respectueux et très reconnaissants. Un homme ne peut se dispenser de témoigner de son respect à une femme. Je vous prie, madame, de vouloir bien agréer mes hommages les plus respectueux. Veuillez agréer, madame, l'hommage de mon profond respect. À une dame amie, recevez, chère madame, l'assurance de ma respectueuse et bien sincère amitié. Une femme n'exprime son respect qu'à un vieillard ou à un haut dignitaire. Entre femmes, il n'est question de respect que dans les cas où il existe une différence d'âge et de rang nettement marquée. Voici quelques formules habituelles allant de la déférence à l'amitié. Veuillez agréer, madame, l'expression de mes sentiments respectueux. Agréez, chère madame, l'expression de mes sentiments très distingués. Agréez, chère madame, l'assurance de mes meilleurs sentiments. Croyez, chère madame, à ma bien sincère amitié. Et je tiens à vous répéter que ces formules sont données à titre d'indication, qu'elles comportent de nombreuses variantes. Ce qu'il importe, c'est que la lettre est de l'unité, c'est-à-dire que l'entête, le corps et la finale soient bien dans le même ton. Si vous voulez, si on a encore quelques petits moments à passer ensemble, je vais vous lire un conte. Et c'est un peu des découvertes que je fais aussi, moi, avec vous, comme ça. Et c'est bien, parce que je crois que le but de cette séance, c'est de découvrir des choses ensemble. Je vous jure que, par exemple, le livre des conseils d'un ancien, il y a très peu de jours que je l'ai trouvé. Et puis, ça m'avait amusé en le lisant, et ça me fait plaisir. Alors là, c'est une... quelques pages de Gaston de Pavlovski, c'est un traité sur les petits inventeurs. On est fort ému sur nos côtes normandes par les premiers essais qui viennent d'être faits d'une moule perlière. Il suffit, paraît-il, de placer une fausse perle à l'intérieur d'une moule pour que celle-ci, tout aussi tôt surexcitée, secrète en quelques semaines une petite perle fort jolie qui rappelle à peu de choses près la perle de l'huître. Ce serait là une véritable fortune pour nos pêcheurs normands. Ajoutons même que dans les ports de guerre, les moules qui ont séjourné sur de vieilles coques en cuivre et qui sont dangereuses pour l'alimentation fournissent une perle dorée du plus bel Orient. À propos des moules perlières, rappelons une anecdote amusante. Lorsque le fait fut communiqué à l'Académie des sciences, une petite revue provinciale qui s'intitule modestement « Le relèvement de l'élevage » avait repris cette information d'une façon véritablement imprévue. Par suite, sans doute, d'une faute de transcription, le rédacteur agricole de cette revue avait compris qu'il s'agissait de poules merlières. Vous voyez d'ici les développements imaginés par ce folliculaire départemental. D'après lui, la poule merlière, issue d'un judicieux croisement, sifflait comme le merle pour appeler ses petits, ce qui est plus gracieux que le caquettement habituel. Détail plus intéressant encore, elle pouvait siffler le chien de la ferme lorsqu'un renard s'apprêtait à dévaster le poulailler. Mais laissons ces folies et parlons de choses sérieuses. Toujours à propos des moules perlières, il paraît que pour obtenir de bons résultats, la fausse perle provocatrice n'est pas indispensable. Il suffit d'exciter la moule en perçant un tout petit trou dans sa coquille et ses piqûres peuvent se faire très rapidement à la machine. Les moules piquées à la machine sécrètent tout aussitôt de la nacre autour du trou et produisent ainsi de jolies perles. Signalons toutefois que certains éleveurs cupides, ayant par trop multiplié les trous, les moules se sont contentés de produire de simples boutons de gilet de fenelle. Ce qui est, on l'avouera, une leçon et un exemple. Il convient de signaler dans le même ordre d'idées deux inventions nouvelles issues de la poule perlière, plus réelles celles-là que la poule merlière, et qui sont appelées, je crois, à faire quelques bruits. Il s'agit tout d'abord de la poule perlière, utilisée dès maintenant par les pêcheurs normands pour récolter les perles artificielles que l'on développe dans la coquille des moules. En quelques heures, les intelligents gallinacés perchés sur les rochers se saisissent des perles qu'ils aperçoivent dans les moules entrouvertes et qu'ils prennent naïvement pour des petits grains de mie. On peut ainsi, grâce à ces intelligentes bestioles, recueillir en une matinée des milliers de perles dont la main de l'homme chercherait vainement à s'emparer au cours de chasses fatigantes et fastidieuses. D'un simple mouvement du bec, la poule pique la perle, l'avale, et il suffit ensuite de laver les sous-produits du poulailler pour que les braves pêcheurs normands recueillent le fruit de leur peine. À côté de ces poules perlières, je le découvre avec vous, hein, ça. Véritablement si remarquable, il faut également signaler les utiles services que rendent à la navigation les nouvelles moules merlières. Placés sur de dangereux récifs. Les marins ont déjà baptisé de ce nom les moules qui perçaient de petits trous pour la culture des perles, rendent un son étrange analogue au sifflement du merle. La moule percée de trous ressemble beaucoup à ce bizarre petit instrument de musique que l'on appelle ocarina. Lorsque le vent souffle, lorsque la tempête fait rage, les moules percées de trous font entendre un sifflement sauvage qui avertit les navigateurs et écarte leurs nefs des dangereux récifs où elles allaient se briser. C'est ainsi que l'industrie nouvelle de la moule perlière rend de signaler service à l'humanité et l'on peut prévoir que dans un avenir prochain, les moules merlières remplaceront avantageusement les phares et les sirènes actuellement en usage. Les chasseurs s'intéressent un peu partout à un nouvel appât qu'annonce... Ah ben, c'est plus la moule perlière. Ah, si, si. Les chasseurs s'intéressent un peu partout à un nouvel appât qu'annonce certains catalogues d'armuriers sous ce nom « perle pour lièvre ». Il s'agit d'une petite perle en imitation que l'on place dans les clairières et qui évoque par la forme, sinon par la couleur, l'aspect des sous-produits du lapin. Le lièvre... Étonné par ces petites boules nacrées qu'il ne connaît pas, s'arrête, regarde, flaire, et rien n'est plus facile que de tirer à ce moment-là. Notons à ce propos qu'il faut bien se garder de confondre la perle pour lièvre avec la moule perlière qui produit les perles moulières, et avec les poules merlières dont nous avons parlé plus haut. Il ne faut pas confondre non plus avec les moules merlières imitant l'ocarina et les poules perlières qui évoquent douloureusement le souvenir de la charmante fable Le coq et la perle et servent, on le sait, en qualité de poules moulières à rechercher les perles artificielles que l'on cultive dans les moules. Ajoutons enfin que la même distinction s'impose avec les nouveaux merles pour lières. Utilisé par les agriculteurs pour détruire les lierres qui étouffent les arbrisseaux et que l'on fait passer d'un arbre à l'autre. Lorsque leur travail est terminé, en leur lançant des projectiles inoffensifs d'un modèle spécial que l'on appelle les pierres molles pour Merle. Évidemment, à la réflexion, aucune confusion n'est possible, mais un simple lapsus calami dans les commandes pourrait entraîner de regrettables erreurs. Je vous remercie. Jean Carmet lisait des extraits de Traité sur les petits inventeurs, livre de Gaston de Pavlovski, d'un conseil d'un ancien à un jeune gendarme, du colonel N, et de Je me souviens, de Georges Perec. Première diffusion sur France Culture le 17 août 1987. Je crois en quelque chose.